Mais qu'est-ce que tu crois, les gros, tu vois ce que je vois. On rappe ce que l'on vit, car c'est la merde, tu savais. Je reste le fauve, pas la proie. Mais qu'est-ce que tu crois, on t'a pas dit que c'est ça la hive. Berné par des lois et faire semblant de vivre libre. Mais qu'est-ce que t'as cru, que j'ai jamais ouvert un livre. Car j'ai la haine au bout des lèvres, au noix bouillant comme la lave. Mais dans les poches, y'a pas de lové. T'es malade au froid, je peux même pas faire le lover. Mais qu'est-ce que tu crois, y'a que le son qui me fait saliver. Les sales putes gâchent leur salive. Un petit salut aux grosses salopes qui disent qu'on marche, se laisse aller. Mais qu'est-ce que t'as cru qu'avec ton son t'allais me salir. Tu bosses avec les condés, t'inquiète on va bien le foncer. Combien de frères sont tombés à cause de ta langue pendue. Ne règle pas les pendules, on avance comme des tortues. Quand d'autres brassent des fortunes, donc forcément j'avance comme un forcené. Camaro est calciné, le micro je viens le calciner. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. On va te broyer. Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. On va te noyer. Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. On va te noyer. Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. On va te broyer. Sinon M de Nex, c'est pas des chiffres et des lettres. J'balance des chiffres dans tes oreilles. J'sors d'un long sommeil. La serre m'accroche comme une merde sous ma semelle. Demande à Jamel, méfie-toi de l'eau qui dort. Moi je suis comme toi, je veux ma part. Me teste pas, Maroc c'est né. C'est illégal. Ici l'hôpital se fout bien de la charité. Forniquer avec vos lois pour sortir de la précarité. Ce n'est que le résultat d'un système à deux vitesses. Faut faire péter le V12 tout en évitant la calèche. Depuis collège on a la dalle. On a la rage, tu boycottes, on nique ta race. On a toujours vécu la crise, économie à la baisse. Ça c'est de la baisse à la base. Préfère rester dans mon monde sur un saut de base à la base. Demain je cache monnaie, sinon je vais venir le prendre. Et puis on va me dire que ça tombe pas rond sous mon bourré. Ok Sarko nous l'a mis, cesse de jurer sur la mer. Mais tu vas tout niquer, on est tous dans la merde. Pour tous c'est la même, arabos ou niqué. Donc bienvenue dans mon monde où les trois quarts sont niqués. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. On va te broyer. Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. On va te noyer. Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. On va te noyer. Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. On va te broyer. Mais qu'est-ce que tu croyais que je partirais en croisade juste pour me faire broyer? Bienvenue dans mon royaume, le BABA du RAP fait. Place bande d'enfoirés, je représente les bons, les mauvais. Ceux qui se tapent pour la cause des terres comme José Bové. J'débarque MC, dès que dégage. Viens pas me barrer la route où tu vas te prendre des baffes. Je me démène, je me démarre. Et sans toi je me démerde. Prends mes marques, viens je t'emmène. Man, j'en ai marre. Plus j'avance, plus tu jacques. Ça joue les marques, mais tout le monde sait que c'est toi la putain. Tu voudrais me tester, mais des comme toi, y'en faudrait plus d'un. 89 mm, Chico, t'en perds ton futal. Wow, t'es pas futé, le flow est bien trop brutal. J'ai trop de choses à dire pendant que les MC jouent de la flûte. C'est strict crédibilité, dans le rap, trop de débilité. Demande à Keno, ici c'est stricte réalité. C'est mucha caliente, je le vois, y'a comme un idée. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. On va te broyer. Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. On va te noyer. Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. On va te noyer. Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Mais qu'est-ce que tu croyais? Ouais. On va te broyer.